Europe On Air avec les centres Europe Direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Europe On Air, l'émission qui vous parle d'Europe et de son actualité. Votre chronique est présentée par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, Centre Europe Direct, Territoire Lorrain. Aujourd'hui, on va parler de la grogne des agriculteurs vis-à-vis de l'Union Européenne. Avant de commencer, Adam, peux-tu nous expliquer ce qu'est la politique agricole commune ? Principale ligne de dépenses de l'Union européenne, la politique agricole commune a permis de distribuer 58,3 milliards d'euros aux 27 États membres en 2022. C'est les derniers chiffres officiels disponibles. Comme chaque année, la France est de loin celui qui bénéficie le plus de cette PAC. 9,5 milliards d'euros d'aide agricole en 2022. Elle est suivie par l'Espagne et l'Allemagne qui reçoivent respectivement 6,9 et 6,4 milliards d'euros par an au titre de la PAC. A l'inverse, l'île de Malte est le plus faible bénéficiaire de cette aide avec 19 millions d'euros seulement. Et comment ça marche ? Le Fonds européen agricole de garantie, FEAGA, et le Fonds européen de développement rural, FEADER, constituent les deux instruments financiers de la politique agricole commune, la PAC. Le premier, doté d'une enveloppe de 291,1 milliards d'euros pour la période 2021-2027, finance notamment les aides directes aux agriculteurs qui font preuve de bonnes pratiques agricoles et environnementales, ainsi que de mesures de soutien au marché agricole dont l'objectif est de répondre aux perturbations du marché. Le FEADER est destiné quant à lui au développement rural et représente 95,5 milliards d'euros sur la même période. Il sert 6 objectifs dont l'innovation dans le secteur agricole, la viabilité et compétitivité de l'agriculture ou encore l'inclusion sociale. Cependant, les agriculteurs reprochent à cette PAC d'être trop complexe, notamment avec des lourdeurs administratives. Tout à fait, les agriculteurs ne remettent pas directement en cause cette politique. Ils dénoncent les lourdeurs administratives qu'elle implique. Au fil des années, les démarches pour bénéficier des aides agricoles se sont complexifiées, conduisant à des retards de paiement. La dernière réforme de la PAC, entrée en vigueur en 2023, a également apporté son lot de nouveautés. Parmi elles, la mise en place d'éco-régimes, un système d'aide directe visant à promouvoir des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Autre élément, les plans stratégiques nationaux des feuilles de route rédigées par chaque pays pour une période de 5 ans. Ces changements ont également engendré de nouvelles procédures pour les agriculteurs, comme pour les administrations nationales qui effectuent les paiements et ce qui occasionne de nombreux retards. Les versements sont réalisés par chaque État membre, la Commission venant rembourser les sommes octroyées. Enfin, les aides de la PAC sont conditionnées au respect de certaines mesures jugées inadaptées à leur situation par les agriculteurs, notamment la mise en jachère d'au moins 4% des terres arables, donc qui peuvent être labourées ou cultivées, pour favoriser la biodiversité. Cette obligation, mise entre parenthèses après l'invasion russe de l'Ukraine, pour permettre justement de doper la production agricole européenne, est de nouveau applicable depuis le 1er janvier 2024. Mais la Commission, justement, n'exclut pas de revenir dessus. Néanmoins, la PAC n'est pas le seul aspect reproché à l'Europe. Non, on pourrait évoquer l'invasion de l'Ukraine ou pour soutenir l'économie du pays et garantir l'approvisionnement de certaines denrées alimentaires, l'Union européenne a rapidement suspendu l'ensemble des droits de douane sur les produits importés de ce pays, d'Ukraine donc, entraînant une plus forte concurrence. Il y a aussi les débats sur l'importation d'aliments venant d'autres pays où les règles seraient plus souples. Il ne faut pas oublier que la France est en réalité un exportateur net de produits agroalimentaires. En 2022, le secteur agroalimentaire français a contribué à un excédent de 16 milliards d'euros et que les importations sont essentielles pour la variété des produits que nous consommons et pour assurer la résilience de notre système alimentaire face aux chocs nationaux. Merci Adam, nous marquons une pause dans Europe On Air en musique avec Redan et une chanson de circonstance, L'agriculteur. J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'envoie en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. Je troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines dans les grosses boîtes que l'on conserve. Le petit poisson doit suivre sa ligne.

Et pour rappel, en moyenne, combien gagne un agriculteur européen ? Alors, selon le Farm Accountancy Data Network, ce sont les exploitants agricoles danois qui perçoivent le revenu annuel le plus élevé en moyenne en 2021, avec plus de 102 000 euros par an par agriculteur. Ils devancent leurs homologues néerlandais, plus de 70 000 euros par an, les Allemands, 52 000 euros. Les exploitants agricoles français touchent un revenu annuel moyen à hauteur de 43 500 euros, selon les données du FADN. Un chiffre largement au-dessus de la moyenne européenne qui est de 28 786 euros par an. Alors, le revenu annuel moyen des agriculteurs dans l'ensemble de l'Union européenne a largement augmenté ces dernières années. Toujours selon les données fournies par le FADN, il s'établissait à 18 413 euros en 2013 contre 28 876 euros aujourd'hui. Alors bien évidemment, l'ensemble de ces chiffres reste tout de même à considérer avec précaution, compte tenu de la grande variabilité du coût de la vie selon les pays, de la difficulté à établir avec précision le revenu global des agriculteurs à travers l'Union européenne et d'autres facteurs inhérents à chaque État membre. Merci Adam pour toutes ces informations. C'était la chronique Europe sur Radio Fadjet, présentée par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, Centre Europe Direct, Territoire Lorrain. À bientôt pour une prochaine chronique et portez-vous bien. À bientôt.